je fis honneur au présent qu'il nous avait apporté. Ce miel à demi sauvage ressemblait à celui que vous mangez en France, comme la chair d'un chevreuil à la viande d'un agneau. On eût dit que les abeilles avaient distillé, dans un alambic invisible, tous les parfums de la montagne. J'oubliais, en mangeant ma tartine, que je n'avais qu'un mois pour trouver 15 000 francs ou mourir. Le moine à son tour nous demanda la permission de se rafraîchir un peu, et sans attendre une réponse, il prit la coupe et se versa rasade. Il but successivement à chacun de nous. 5 ou 6 brigands, attirés par la curiosité, se glissèrent dans la salle. Il les interpella par leur nom et but à chacun d'eux par esprit de justice. Je ne tardai pas à maudire sa visite. Une heure après son arrivée, la moitié de la bande était assise en cercle autour de notre table. En l'absence du roi, qui faisait la sieste dans son cabinet, les brigands venaient un à un cultiver notre connaissance. L'un nous offrait ses services, l'autre nous apportait quelque chose. Un autre s'introduisait sans prétexte et sans embarras, en homme qui se sent chez lui. Les plus familiers me priaient amicalement de leur raconter notre histoire. Les plus timides se tenaient derrière leurs camarades. Quelques-uns, après s'être rassasiés de notre vue, s'étendaient sur l'herbe et ronflaient sans coquetterie en présence de Marie-Anne. Et les puces montaient toujours, et la présence de leur premier maître les rendait si hardis que j'en surpris 3 ou 4 sur le dos de ma main. Impossible de leur disputer le droit de pâture. Je n'étais plus un homme, mais un pré communal. En ce moment, j'aurais donné les 3 plus belles plantes de mon herbier pour un quart d'heure de solitude. Madame Simon et sa fille étaient trop discrètes pour me faire part de leurs impressions. Mais elles prouvaient, par quelques soubresauts involontaires, que nous étions en communauté d'idées. Je surpris même entre elles un regard désespéré qui signifiait clairement « Les gendarmes nous délivreront des voleurs, mais qui nous défera des puces ?» Cette plainte muette éveilla dans mon cœur un sentiment chevaleresque. J'étais résigné à souffrir, mais voir le supplice de Marie-Anne était chose au-dessus de mes forces. Je me levai rapidement et je dis à nos importuns « Allez-vous-en tous, le roi nous a logés ici pour vivre tranquille jusqu'à l'arrivée de notre rançon. Le loyer nous coûte assez cher pour que nous ayons le droit de rester seuls. N'êtes-vous pas honteux de vous amasser autour d'une table comme des chiens parasites? Vous n'avez rien à faire ici. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous avons besoin que vous n'y soyez pas. Croyez-vous que nous puissions nous enfuir? Par où? Par la cascade? Ou par le cabinet du roi? Laissez-nous donc en paix, Corfiotte chasse-les dehors, et je t'y aiderai si tu veux. » Je joignis l'action à la parole. Je poussai les traînards, j'éveillai les dormeurs, je secouai le moine, je forçai le Corfiotte à me venir en aide. Et bientôt le troupeau de brigands, troupeau armé de poignards et de pistolets, nous céda la place avec une docilité moutonnière, tout en regimbant, en faisant de petits pas, en résistant des épaules et en retournant la tête à la façon des écoliers qu'on chasse en étude quand la fin de la récréation a sonné. Nous étions seuls enfin avec le Corfiotte. Je dis à Mistress Simon « Madame, nous voici chez nous. Vous plaît-il que nous séparions l'appartement en deux? Il ne me faut qu'un petit coin pour dresser ma tente. Derrière ces arbres, je ne serai pas trop mal, et tout le reste vous appartiendra. Vous aurez la fontaine sous la main, et ce voisinage ne vous gênera pas puisque l'eau s'en va tomber en cascade au revers de la montagne. » Mes offres furent acceptées d'assez mauvaise grâce. Ces dames auraient voulu tout garder pour elles et m'envoyer dormir au milieu des brigands. Il est vrai que le Kant britannique aurait gagné quelque chose à cette séparation. Mais j'y aurais perdu la vue de Marie-Anne. Et d'ailleurs, j'étais bien décidé à coucher loin des puces. Le Corfiotte appuya ma proposition, qui rendait sa surveillance plus facile. Il avait ordre de nous garder nuit et jour. On convint qu'il dormirait auprès de ma tante. J'exigeais entre nous une distance de 6 pieds anglais. Ce traité conclu, je m'établis dans un coin pour donner la chasse à mon gibier domestique. Mais à peine avais-je sonné le premier halali que les curieux reparurent à l'horizon, sous prétexte de nous apporter les tentes. Madame Simon jeta les hauts cris en voyant que sa maison se composait d'une simple bande de feutre grossier, pliée par le milieu, fixée à terre par les bouts, et ouverte au vent des deux côtés. Le Corfiotte jurait que nous serions logés comme des princes, sauf le cas de pluie ou de grand vent. La troupe entière se mit en devoir de planter les piquets, de dresser nos lits et d'apporter les couvertures. chaque lit se composait d'un tapis couvert d'un gros manteau de poils de chèvre. À 6 heures, le roi vint s'assurer par ses yeux que nous ne manquions de rien. Madame Simon, plus courroucée que jamais, répondit qu'elle manquait de tout. Je demandai formellement l'exclusion de tous les visiteurs inutiles. Le roi établit un règlement sévère, qui ne fut jamais suivi. Discipline est un mot français, bien difficile à traduire en grec. Le roi et ses sujets se retirèrent à 7 heures, et l'on nous servit le souper. 4 flambeaux de bois résineux éclairaient la table. Leur lumière rouge et fumeuse colorait étrangement la figure un peu pâle de Mademoiselle Simon. Ses yeux semblaient s'éteindre et se rallumer au fond de leurs orbites, comme les phares à feu tournant. Sa voix, brisée par la fatigue, reprenait par intervalles un éclat singulier. En l'écoutant, mon esprit s'égarait dans le monde surnaturel, et il me venait je ne sais quelle réminiscence de contes fantastiques. Un rossignol chanta, et je crus voir sa chanson argentine voltiger sur les lèvres de Marie-Anne. La journée avait été rude pour tous, et moi-même, qui vous ai donné des preuves éclatantes de mon appétit, je reconnus bientôt que je n'avais faim que de sommeil. Je souhaitai le bonsoir à ces dames, et je me retirai sous ma tente. Là, j'oubliai en un instant rossignol, danger, rançon, piqûre. Je fermai les yeux à double tour et je dormis. Une fusillade épouvantable m'éveilla en sursaut. Je me levai si brusquement que je donnai de la tête contre un des piquets de ma tente. Au même instant, j'entendis 2 voix de femmes qui criaient « Nous sommes sauvés, les gendarmes !» Je vis 2 ou 3 fantômes courir confusément à travers la nuit. Dans ma joie, dans mon trouble, j'embrassai la première ombre qui passa à ma portée. C'était le corfiote. « Halte là » cria-t-il, « où courez-vous, s'il vous plaît ?»« Chien de voleur » répondis-je en essuyant ma bouche. « Je vais voir si les gendarmes auront bientôt fini de fusiller tes camarades. » Madame Simon et sa fille, guidées par ma voix, arrivèrent auprès de nous. Le corfiote nous dit « Les gendarmes ne voyagent pas aujourd'hui. C'est l'ascension le 1er mai, double fête. Le bruit que vous avez entendu est le signal des réjouissances. Il est minuit passé. Jusqu'à demain, à pareille heure, nos compagnons vont boire du vin, manger de la viande, danser la romaïque et brûler de la poudre. Si vous vouliez voir ce beau spectacle, vous me feriez plaisir. Je vous garderai plus agréablement autour du rôti qu'au bord de la fontaine. « Vous mentez, » dit Madame Simon, « c'est les gendarmes. »« Allons-y voir, » ajouta Marie-Anne. Je les suivis. Le vacarme était si grand qu'à vouloir dormir, on eût perdu sa peine. Notre guide nous fit traverser le cabinet du roi et nous montra le camp des voleurs éclairé comme par un incendie. Des pins entiers flambaient d'espace en espace. 5 ou 6 groupes assis autour du feu rôtissaient des agneaux embrochés dans des bâtons. Au milieu de la foule, un ruban de danseurs serpentait lentement au son d'une musique effroyable. Les coups de fusil partaient dans tous les sens. Il en vint un dans notre direction, et j'entendis siffler une balle à quelques pouces de mon oreille. Je priai ces dames de doubler le pas, espérant qu'auprès du roi nous serions plus loin du danger. Le roi, assis sur son éternel tapis, présidait avec solennité au divertissement de son peuple. Autour de lui, les outres se vidaient comme de simples bouteilles. Les agneaux se découpaient comme des perdrix. Chaque convive prenait un gigot ou une épaule et l'emportait à pleine main. L'orchestre était composé d'un tambourin sourd et d'un flageolet criard. Le tambourin était devenu sourd à force d'entendre crier le flageolet. Les danseurs avaient ôté leurs souliers pour être plus agiles. Ils se démenaient sur place et faisaient craquer leurs os sans mesure, ou à peu près. De temps en temps, l'un d'eux quittait le bal, avalait une coupe de vin, mordait dans un morceau de viande, tirait un coup de fusil et retournait à la danse. Tous ces hommes, excepté le roi, buvaient, mangeaient, hurlaient et sautaient. Je n'en vis pas rire un seul. Hadji Stravo s'excusa galamment de nous avoir éveillés. « Ce n'est pas moi qui suis coupable, dit-il, c'est la coutume. Si le 1er mai se passait sans coup de fusil, ces braves gens ne croiraient pas au retour du printemps. Je n'ai ici que des êtres simples, élevés à la campagne et attachés aux vieux usages du pays. Je fais leur éducation du mieux que je peux, mais je mourrai avant de les avoir polissés. Les hommes ne se refondent pas en un jour comme les couverts d'argent. Moi-même, tel que vous me voyez, j'ai trouvé du plaisir à ces ébats grossiers. J'ai bu et dansé tout comme un autre. Je ne connaissais pas la civilisation européenne. Pourquoi me suis-je mis si tard à voyager ? Je donnerais beaucoup pour être jeune et n'avoir que 50 ans. J'ai des idées de réforme qui ne seront jamais exécutées, car je me vois comme Alexandre, sans un héritier digne de moi. Je rêve une organisation nouvelle du brigandage, sans désordre, sans turbulence et sans bruit. Mais je ne suis pas secondé. Je devrais avoir le recensement exact de tous les habitants du royaume, avec l'état approximatif de leurs biens, meubles et immeubles. Quant aux étrangers qui débarquent chez nous, un agent établi dans chaque port me fera connaître leur nom, leur itinéraire et autant que possible leur fortune. De cette façon, je saurai ce que chacun peut me donner. Je ne serai plus exposé à demander trop ou trop peu. J'établirai sur chaque route un poste d'employé propre, bien élevé et bien mis. Car à quoi bon effaroucher les gens par une tenue choquante et une mine rébarbative? J'ai vu en France, en Angleterre, des voleurs élégants jusqu'à l'excès. En faisant-ils moins bien leurs affaires? J'exigerai chez tous mes subordonnés des manières exquises, surtout chez les employés au département des arrestations. J'aurai pour les prisonniers de distinction, comme vous, des logements confortables, en bon air, avec jardin. Et ne croyez pas qu'il leur en coûterait plus cher, bien au contraire. Si tous ceux qui voyageaient dans le royaume arrivaient nécessairement dans mes mains, je pourrais taxer le passant à une somme insignifiante. Que chaque indigène et chaque étranger me donne seulement 0,25% sur le chiffre de sa fortune. Je gagnerai sur la quantité. Alors le brigandage ne sera plus qu'un impôt sur la circulation. Impôt juste, car il sera proportionnel. Impôt normal, car il a toujours été perçu depuis les temps héroïques. Nous le simplifierons s'il le faut, par les abonnements à l'année. Moyennement telle somme, une fois payée, on obtiendra un sauf-conduit pour les indigènes, un visa sur le passeport des étrangers. Vous me direz qu'au terme de la Constitution, nul impôt ne peut être établi sans le vote des deux chambres. Ah, monsieur, si j'avais le temps! J'achèterais tout le Sénat, je nommerais une chambre des députés bien à moi. La loi passerait d'emblée. On créerait, au besoin, un ministère des grands chemins. Cela me coûterait 2 ou 3 millions de premier établissement, mais en 4 ans je rentrerais dans tous mes frais, et j'entretiendrais les routes par-dessus le marché. Il soupira solennellement, puis il reprit. Vous croyez avec quel abandon je vous raconte mes affaires? C'est une vieille habitude dont je ne me déferai jamais. J'ai toujours vécu non seulement au grand air, mais au grand jour. Notre profession serait honteuse si on l'exerçait clandestinement. Je ne me cache pas, car je n'ai peur de personne. Quand vous lirez dans les journaux qu'on est à ma recherche, dites sans hésiter que c'est une fiction parlementaire. On sait toujours où je suis. Je ne crains ni les ministres, ni l'armée, ni les tribunaux. Les ministres savent tous que d'un geste je puis changer le cabinet. L'armée est pour moi. C'est elle qui me fournit des recrues lorsque j'en ai besoin. Je lui emprunte des soldats, je lui rends des officiers. Quant à messieurs les juges, ils connaissent mes sentiments pour eux. Je ne les estime pas, mais je les plains. Pauvres et mal payés, on ne saurait leur demander d'être honnêtes. J'en nourris quelques-uns, j'en habille quelques autres. J'en ai pendu fort peu dans ma vie. Je suis donc le bienfaiteur de la magistrature. Il me désigna par un geste magnifique le ciel, la mer et le pays. Tout cela, dit-il, est à moi. Tout ce qui respire dans le royaume m'est soumis par la peur, l'amitié ou l'admiration. J'ai fait pleurer bien des yeux, et pourtant il n'est pas une mère qui ne voulût avoir un fils comme Algistravos. Un jour viendra que les docteurs comme vous écriront mon histoire, et que les îles de l'archipel se disputeront l'honneur de m'avoir vu naître. Mon portrait sera dans les cabanes avec les images sacrées qu'on achète au mont Athos. En ce temps-là, les petits-enfants de ma fille, fussent-ils princes souverains, parleront avec orgueil de leur ancêtre, le roi des montagnes. Peut-être allez-vous rire de ma simplicité germanique, mais un si étrange discours me remua profondément. J'admirais malgré moi cette grandeur dans le crime. Je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer un coquin majestueux. Ce diable d'homme qui devait me couper le cou à la fin du mois m'inspirait quasiment du respect. Sa grande figure de marbre, sereine au milieu de l'orgie, m'apparaissait comme le masque inflexible du destin. Je ne pus m'empêcher de lui répondre. « Oui, vous êtes vraiment roi. » Il répondit en souriant. « En effet, puisque j'ai des flatteurs, même parmi mes ennemis. Ne vous défendez pas, je sais lire sur les visages, et vous m'avez regardé ce matin en homme qu'on voudrait voir pendu. Puisque vous m'invitez à la franchise, j'avoue que j'ai eu un mouvement d'humeur. Vous m'avez demandé une rançon déraisonnable. » Que vous preniez 100 000 francs à ces dames qui les ont, c'est une chose naturelle, et qui rentre dans votre métier. Mais que vous en exigez 15 000 de moi qui n'est rien, voilà ce que je n'admettrai jamais. Pourtant, rien n'est plus simple. Tous les étrangers qui viennent chez nous sont riches, car le voyage coûte cher. Vous prétendez que vous ne voyagez pas à vos frais. Je veux vous croire. Mais ceux qui vous ont envoyé ici vous donnent au moins 3 000 ou 4 000 francs par an. S'ils font cette dépense, ils ont leur raison, car on ne fait rien pour rien. Vous représentez donc à leurs yeux un capital de 60 000 à 80 000 francs. Donc en vous rachetant pour 15 000 francs, ils y gagnent. Mais l'établissement qui me paye n'a point de capital, il n'a que des revenus. Le budget du Jardin des Plantes est voté tous les ans par le Sénat. Ses ressources sont limitées, on n'a jamais prévu un cas pareil. Je ne sais comment vous expliquer, vous ne pouvez pas comprendre. Et quand je comprendrai, reprit-il d'un ton hautain, croyez-vous que je reviendrai sur ce que j'ai dit? Mes paroles sont des lois. Si je veux qu'on les respecte, je ne dois pas les violer moi-même. J'ai le droit d'être injuste, je n'ai pas le droit d'être faible. Mes injustices ne nuisent qu'aux autres, une faiblesse me perdrait. Si l'on me savait exorable, mes prisonniers chercheraient des prières pour me vaincre, au lieu de chercher de l'argent pour me payer. Je ne suis pas un de vos brigands d'Europe, qui font un mélange de rigueur et de générosité, de spéculation et d'imprudence, de cruauté sans cause et d'attentrissement sans excuse, pour finir sottement sur l'échafaud. J'ai dit devant témoin que j'aurai 15 000 francs ou votre tête, arrangez-vous. Mais d'une façon ou de l'autre, je serai payé. Écoutez, en 1854, j'ai condamné 2 petites filles qui avaient l'âge de ma chère Fotini. Elles me tendaient les bras en pleurant, et leurs cris faisaient saigner mon cœur de père. Vasile, qui les a tuées, s'y est repris à plusieurs fois. Sa main tremblait. Et cependant, j'ai été inflexible, parce que la rançon n'était pas payée. Croyez-vous qu'après cela, je vais vous faire grâce? À quoi me servirait de les avoir tuées, les pauvres créatures, si l'on apprenait que je vous ai renvoyé pour rien? Je baissai la tête sans trouver un mot à répondre. J'avais 1000 fois raison, mais je ne savais rien opposer à l'impitoyable logique du vieux bourreau. Il me tira de mes réflexions par une tape amicale sur l'épaule. « Du courage, me dit-il, j'ai vu la mort de plus près que vous, et je me porte comme un chêne. » Pendant la guerre de l'indépendance, Ibrahim m'a fait fusiller par 7 Égyptiens. 6 balles se sont perdues. La 7e m'a frappé au front sans entrer. Quand les Turcs sont venus ramasser mon cadavre, j'avais disparu dans la fumée. Vous avez peut-être plus longtemps à vivre que vous ne pensez. Écrivez à tous vos amis de Hambourg. Vous avez reçu de l'éducation. Un docteur doit avoir des amis pour plus de 15 000 francs. Je le voudrais quant à moi. Je ne vous hais pas. Vous ne m'avez jamais rien fait. Votre mort ne me causerait aucun plaisir et je me plais à croire que vous trouverez les moyens de payer en argent. En attendant, allez vous reposer avec ces dames. Mes gens ont bu un coup de trop et ils regardent les Anglaises avec des yeux qui ne disent rien de bon. Ces pauvres diables sont condamnés à une vie austère, et ils n'ont pas 70 ans comme moi. En temps ordinaire, je les dompte par la fatigue, mais dans une heure, si la demoiselle restait là, je ne répondrais de rien. En effet, un cercle menaçant se formait autour de Marianne, qui examinait ces figures étranges avec une innocente curiosité. Les brigands, accroupis devant elle, se parlaient haut à l'oreille, et faisait son éloge en des termes que, par bonheur, elle ne comprit pas. Le corfiote, qui avait réparé le temps perdu, lui tendit une coupe de vin qu'elle repoussa fièrement et qui vint arroser l'assistance. 5 ou 6 buveurs plus enflammés que les autres se poussaient, se battaient et échangeaient de grands coups de poing comme pour s'échauffer et s'enhardir à d'autres exploits. Je fis un signe à Madame Simon. Elle se leva avec sa fille. Mais au moment où j'offrais le bras à Marianne, Vasile, rouge de vin, s'avança en chancelant et fit le geste de la prendre par la taille. À cette vue, il me monta au cerveau je ne sais quelle fumée de colère. Je sautai sur le misérable et je lui fis une cravate de mes 10 doigts. Il porta la main à sa ceinture et chercha en tâtonnant le manche d'un couteau. Mais avant qu'il eût rien trouvé, je le vis arracher de mes mains et lancer à 10 pas en arrière par la grande main puissante du vieux roi. Un murmure gronda dans les bas-fonds de l'assemblée. Agistravos éleva sa voix au-dessus du bruit et cria « Taisez-vous ! Montrez que vous êtes des Hélènes et non des Albanais !» Il reprit à voix basse « Non, marchons vite. Corfiote ne me quitte pas. Monsieur l'Allemand dit aux dames que je coucherai à la porte de leur chambre. » Il partit avec nous, précédé de son chibouji, qui ne le quittait ni jour ni nuit. 2 ou 3 ivrognes firent mine de le suivre, Il le repoussa rudement. Nous n'étions pas à 100 pas de la foule lorsqu'une balle de fusil passa en sifflant au milieu de nous. Le vieux palicard ne daigna pas même retourner la tête. Il me regarda en souriant et me dit à demi-voix « Il faut de l'indulgence, c'est le jour de l'ascension. » Chemin faisant, je profitais des distractions du corfiote qui trébuchait à chaque pas pour demander à Madame Simon un entretien particulier. « J'ai, lui dis-je, un secret important à vous apprendre. Permettez-moi de me glisser jusqu'à votre tente, pendant que notre espion dormira du sommeil de Noé. » Je ne sais si cette comparaison biblique lui parut irrévérencieuse, mais elle me répondit sèchement qu'elle ne savait point avoir des secrets à partager avec moi. J'insistai, elle tint bon. Je lui dis que j'avais trouvé le moyen de nous sauver, tous, sans bourse déliée. Elle me lança un regard de défiance, consulta sa fille et finit par accorder ce que je demandais. Agistravos favorisa notre rendez-vous en retenant le corfiote auprès de lui. Il fit porter son tapis au haut de l'escalier rustique qui conduisait à notre campement, déposa ses armes à portée de sa main, fit coucher le Chibouchi à sa droite et le corfiote à sa gauche, et nous souhaita des rêves dorés. Je me tins prudemment sous ma tente jusqu'au moment où 3 ronflements distincts m'assurèrent que nos gardiens étaient endormis. Le tapage de la fête s'éteignait sensiblement. 2 ou 3 fusils retardataires troublaient seuls de temps en temps le silence de la nuit. Notre voisin, le rossignol, poursuivait tranquillement sa chanson commencée. Je rampais le long des arbres jusqu'à la tente de Madame Simon. La mère et la fille m'attendaient sur l'herbe humide. Les mœurs anglaises m'interdisaient l'entrée de leur chambre à coucher. « Parlez, monsieur, » me dit Madame Simon, « mais faites vite, vous savez si nous avons besoin de repos. » Je répondis avec assurance. « Mesdames, ce que j'ai à vous dire vaut bien 1 heure de sommeil. Voulez-vous être libre dans 3 jours ?»« Mais, monsieur, nous le serons demain, ou l'Angleterre ne serait plus l'Angleterre. » Dimitri a dû avertir mon frère vers 5 heures. Mon frère a vu notre ministre à l'heure du dîner. On a donné les ordres avant la nuit. Les gendarmes sont en route, quoi qu'en ait dit le corfiote, et nous serons délivrés au matin pour notre déjeuner. Ne nous berçons pas d'illusions, le temps presse. Je ne compte pas sur la gendarmerie. Nos vainqueurs en parlent trop légèrement pour la craindre. J'ai toujours entendu dire que dans ce pays, chasseurs et gibiers, gendarmes et brigands faisaient bon ménage ensemble. Je suppose à la rigueur qu'on envoie quelques hommes à notre secours. Agistravos les verra venir, et il nous entraînera par des chemins écartés dans un autre repère. Il sait le pays sur le bout du doigt. Tous les rochers sont ses complices, tous les buissons sont ses alliés, tous les ravins ses receleurs. Le Parnès est avec lui, contre nous. Il est le roi des montagnes. Bravo, monsieur, Agistravos est Dieu, et vous êtes son prophète. Il serait touché d'entendre avec quelle admiration vous parlez de lui. J'avais déjà deviné que vous étiez de ses amis, à voir comme il vous frappait sur l'épaule et comme il vous parlait en confidence. N'est-ce pas lui qui vous a suggéré le plan d'évasion que vous venez nous proposer ? Oui, madame, c'est lui. Ou plutôt, c'est sa correspondance. J'ai trouvé ce matin, pendant qu'il dictait son courrier, le moyen infaillible de nous délivrer gratis. Veuillez écrire à monsieur votre frère de rassembler une somme de 115 000 francs, 100 pour votre rançon, 15 pour la mienne, et de les envoyer ici le plus tôt possible. Par un homme sûr, par Dimitri. Par votre Dimitri, à votre ami le roi des montagnes ? Grand merci, mon cher monsieur, c'est à ce prix que nous serons délivrés pour rien. Oui, madame, Dimitri n'est pas mon ami, et Agistravos ne se ferait pas de scrupule de me couper la tête. Mais je continue, en échange de l'argent, vous exigerez que le roi vous signe un reçu. Le bon billet que nous aurons là. Avec ce billet, vous reprendrez vos 115 000 francs, sans perdre un centime, et vous allez voir comment. « Bonsoir, monsieur, ne prenez pas la peine d'en dire davantage. Depuis que nous avons débarqué dans ce bienheureux pays, nous avons été volés par tout le monde. Les douaniers du Pirée nous ont volés, le cocher qui nous a conduits à Athènes nous a volés, notre aubergiste nous a volés, notre domestique de place qui n'est pas votre ami nous a jetés entre les mains des voleurs. Tous ces messieurs qui boivent là-haut sont des voleurs. Vous êtes le seul honnête homme que nous ayons rencontré en Grèce, et vos conseils sont les meilleurs du monde. Mais bonsoir, monsieur, bonsoir. » « Au nom du ciel, madame, je ne me justifie pas. Pensez de moi ce que vous voudrez. Laissez-moi seulement vous dire comment vous reprendrez votre argent. Comment voulez-vous que je le reprenne, si toute la gendarmerie du royaume ne peut pas nous reprendre nous-mêmes ? Agistravos n'est donc plus le roi des montagnes ? Il ne sait plus de chemins écartés ? Les ravins, les buissons, les rochers ne sont plus ses receleurs et ses complices ? Bonsoir, monsieur. Je rendrai témoignage de votre zèle. Je dirai aux brigands que vous avez fait leur commission. » Mais une fois pour toutes, bonsoir. » La bonne dame me poussa par les épaules en criant bonsoir sur un ton aigu, que je tremblais qu'elle n'éveillât nos gardiens, et je m'enfuis piteusement sous ma tente. « Quelle journée, monsieur !» J'entrepris de récapituler tous les incidents qui avaient grêlé sur ma tête depuis l'heure où j'étais parti d'Athènes à la poursuite de la Boreana Variabilis. La rencontre des Anglaises, les beaux yeux de Marie-Anne, les fusils des brigands, les chiens, les puces, Agistravos, 15 000 francs à payer, ma fille à ce prix, l'orgie de l'ascension, les balles sifflant à mes oreilles, la face avinée de Vasile, et pour couronner la fête, les injustices de Madame Simon. Il ne me manquait après tant d'épreuves que d'être pris moi-même pour un voleur. Le sommeil qui console de tout ne vint pas à mon secours. J'avais été surmené par les événements et la force me manquait pour dormir. Le jour se leva sur mes méditations douloureuses. Je suivis d'un œil éteint le soleil qui montait sur l'horizon. Des bruits confus succédèrent peu à peu au silence de la nuit. Je ne me sentais pas le courage de regarder l'heure à ma montre ou de retourner la tête pour voir ce qui se passait autour de moi. Tous mes sens étaient hébétés par la fatigue et le découragement. Je crois que si l'on m'avait fait rouler au bas de la montagne, je n'aurais pas étendu les mains pour me retenir. Dans cet anéantissement de mes facultés, j'eus une vision qui tenait à la fois du rêve et de l'hallucination, car je n'étais ni éveillé ni endormi, et mes yeux étaient aussi mal fermés que mal ouverts. Il me sembla qu'on m'avait enterré vif, que ma tente de feutre noir était un catafalque orné de fleurs, et qu'on chantait sur ma tête les prières des morts. La peur me prit. Je voulus crier. La parole s'arrêta dans ma gorge ou fut couverte par la voix des chantres. J'entendais assez distinctement les versets et les réponses pour reconnaître que mes funérailles se célébraient en grec. Je fis un effort violent pour remuer mon bras droit. Il était de plomb. J'étendis le bras gauche, il céda facilement, heurta contre la tente et fit tomber quelque chose qui ressemblait à un bouquet. Je me frotte les yeux, je me lève sur mon séant. J'examine ces fleurs tombées du ciel, et je reconnais dans la masse un superbe échantillon de la Boreana Variabilis. C'était bien elle. Je touchais ses feuilles lobées, son calice gamocépale, sa corolle composée de 5 pétales obliques réunis à la base par un filet staminal, ses 10 étamines, son ovaire à 5 loges. Je tenais dans ma main la reine des Malvacées. Mais par quel hasard se trouvait-elle au fond de ma tombe? Et comment l'envoyer de si loin au jardin des plantes de Hambourg? En ce moment, une vive douleur attira mon attention vers mon bras droit. On eût dit qu'il était en proie à une fourmilière de petits animaux invisibles. Je le secouai de la main gauche et peu à peu il revint à l'état normal. Il avait porté ma tête pendant plusieurs heures et la pression l'avait engourdi. Je vivais donc, puisque la douleur est un des privilèges de la vie. Mais alors, que signifiait cette chanson funèbre qui bourdonnait obstinément à mes oreilles? Je me levai. Notre appartement était dans le même état que la veille au soir. Madame Simon et Marianne dormaient profondément. Un gros bouquet pareil au mien pendait au sommet de leur tente. Je me rappelais enfin que les Grecs avaient coutume de fleurir toutes les habitations dans la nuit du 1er mai. Ces bouquets et la Boreana Variabilis provenaient donc de la munificence du roi. La chanson funèbre me poursuivait toujours. Je gravis l'escalier qui conduisait au cabinet d'Agistravos, et j'aperçus un spectacle plus curieux que tout ce qui m'avait étonné la veille. Un autel était dressé sous le sapin royal. Le moine, revêtu d'ornements magnifiques, célébrait avec une dignité imposante l'office divin. Nos buveurs de la nuit, les uns debout, les autres agenouillés dans la poussière, tous religieusement découverts, s'étaient métamorphosés en petits saints. L'un baisait dévotement une image peinte sur bois, l'autre se sciait à tour de bras et comme à la tâche. Les plus fervents donnaient du front contre terre et balayaient le sol avec leurs cheveux. Le jeune Tchibouji du roi circulait dans les rangs avec un plateau en disant « Faites l'aumône qui donne à l'église prête à Dieu !» Et les centimes pleuvaient devant lui, et le grésillement du cuivre tombant sur le cuivre accompagnait la voix du prêtre et les prières des assistants. Lorsque j'entrais dans l'assemblée des fidèles, chacun d'eux me salua avec une cordialité discrète, qui rappelait les premiers temps de l'église. Agistravos, debout auprès de l'autel, me fit une place à ses côtés. Il tenait un grand livre à la main, et jugez de ma surprise lorsque je vis qu'il psalmodiait les leçons à haute voix. Le brigand officiait. Il avait reçu dans sa jeunesse le deuxième des ordres mineurs. Il était lecteur ou anagnoste, Un degré de plus, il aurait été exorciste et investi du pouvoir de chasser les démons. Assurément, monsieur, je ne suis pas de ces voyageurs qui s'étonnent de tout, et je pratique assez énergiquement le Nil Admirari. Mais je restais tout ébahi et tout pantois devant cette étrange cérémonie. En voyant les génuflexions, en écoutant les prières, on aurait pu supposer que les acteurs n'étaient coupables que d'un peu d'idolâtrie. Leur foi paraissait vive et leur conviction profonde, mais moi qui les avais vus à l'œuvre, qui savais comme ils étaient peu chrétiens en action, je ne pouvais m'empêcher de dire en moi-même « Qui trompe-t-on ici ?» L'office dura jusqu'à midi et quelques minutes. Une heure après, l'hôtel avait disparu, les brigands s'étaient remis à boire et le bon vieillard leur tenait tête. Hadji Stravos me prit à part et me demanda si j'avais écrit. Je lui promis de m'y mettre à l'instant même et il me fit donner des roseaux, de l'encre et du papier. J'écrivis à John Harris, à Christodule et à mon père. Je suppliai Christodule d'intercéder pour moi auprès de son vieux camarade et de lui dire combien j'étais incapable de trouver 15 000 francs. Je me recommandai au courage et à l'imagination de Harris, qui n'était pas homme à laisser un ami dans l'embarras. « Si quelqu'un peut me sauver, lui dis-je, c'est vous. Je ne sais comment vous vous y prendrez, mais j'espère en vous de toute mon âme. Vous êtes un si grand fou. Je ne compte pas que vous trouverez 15 000 francs pour me racheter. Il faudrait les emprunter à M. Mérinet, qui ne prête pas. D'ailleurs, vous êtes trop américain pour consentir à un pareil marché. Agissez comme il vous plaira. Mettez le feu au royaume, j'approuve tout à l'avance. Mais ne perdez pas de temps. Je sens que ma tête est faible et que la raison pourrait déménager avant la fin du mois. » Quant à mon malheureux père, je ne garde de lui dire à quelle enseigne j'étais logé. À quoi bon lui mettre la mort dans l'âme en lui montrant les dangers auxquels il ne pouvait me soustraire? Je lui écrivis, comme le premier de chaque mois, que je me portais bien et que je souhaitais que ma lettre trouvât la famille en bonne santé. J'ajoutai que je voyageais dans la montagne, que j'avais découvert la Boreana variabilis et une jeune Anglaise plus belle et plus riche que la princesse Ipsos, de romanesque mémoire. Je n'étais pas encore parvenu à lui inspirer de l'amour, faute de circonstances favorables, mais je trouverai peut-être sous peu l'occasion de lui rendre quelques grands services ou de me montrer devant elle dans l'habit irrésistible de mon oncle Rosenthaler. Cependant, ajoutai-je avec un sentiment de tristesse invincible, qui sait si je ne mourrais pas garçon? Alors ce serait à France ou à Jean-Nicolas de faire la fortune de la famille. Ma santé est plus florissante que jamais, et mes forces ne sont pas encore entamées. Mais la Grèce est un traître de pays, qui a bon marché de l'homme le plus vigoureux. Si j'étais condamné à ne jamais revoir l'Allemagne et à finir ici, par quelque coup imprévu au terme de mon voyage et de mes travaux, croyez bien, cher et excellent père, que mon dernier regret sera de m'éteindre loin de ma famille et que ma dernière pensée s'envolerait vers vous. » Hadji Stravos survint au moment où j'essuyais une larme, et je crois que cette marque de faiblesse me fit tort dans son estime. « Allons, jeune homme, me dit-il, du courage. Il n'est pas encore temps de pleurer sur vous-même. Que diable, on dirait que vous suivez votre enterrement. » La dame anglaise vient d'écrire une lettre de 8 pages, et elle ne l'a pas laissé choir une larme dans l'encrier. « Allez, un peu lui tenir compagnie, elle a besoin de distraction. Ah, si vous étiez un homme de ma trempe, je vous jure qu'à votre âge et à votre place, je ne serais pas resté longtemps prisonnier. Ma rançon eût été payée avant 2 jours, et je sais bien qui en aurait fait les fonds. Vous n'êtes pas marié ? Non. Eh bien, vous ne comprenez pas ? Retournez à votre appartement et soyez aimable. Je vous ai fourni une belle occasion de faire fortune. Si vous n'en profitez pas, vous serez un maladroit. Et si vous ne me mettez pas au rang de vos bienfaiteurs, vous serez un ingrat. » Je trouvai Marianne et sa mère assises auprès de la source. En attendant la femme de chambre qu'on leur avait promise, elles travaillaient elles-mêmes à raccourcir leurs amazones. Les brigands leur avaient fourni du fil, ou plutôt de la ficelle, et des aiguilles propres à coudre la toile à voile. De temps en temps, elles interrompaient leur besogne pour jeter un regard mélancolique sur les maisons d'Athènes. Il était dur de voir la ville si près de soi et de ne pouvoir s'y transporter qu'au prix de 100 000 francs. Je leur demandai comment elles avaient dormi. La sécheresse de leur réponse me prouva qu'elles se seraient bien passées de ma conversation. C'est à ce moment que je remarquai pour la première fois les cheveux de Marie-Anne. Elle était nue-tête, et après avoir fait une ample toilette dans le ruisseau, elle laissait sécher sa chevelure au soleil. Je n'aurais jamais cru qu'une seule femme pût avoir une telle profusion de boucles soyeuses. Ses longs cheveux châtains tombaient le long des joues et derrière les épaules. Mais ils ne pendaient pas sottement comme ceux de toutes les femmes qui sortent du bain. Ils se courbaient en ondes pressées, comme la surface d'un petit lac frisé par le vent. La lumière, en glissant à travers cette forêt vivante, la colorait d'un éclat doux et velouté. Sa figure, ainsi encadrée, ressemblait trait pour trait à une rosée mousseuse. Je vous ai dit, monsieur, que je n'avais jamais aimé personne. Et certes, je n'aurais pas commencé par une fille qui me prenait pour un voleur. Mais je puis avouer, sans me contredire, que j'eusse voulu, au prix de ma vie, sauver ces beaux cheveux des griffes d'Agistravos. Je conçus, séance tenante, un plan d'évasion hardi, mais non pas impossible. Notre appartement avait deux issues. Il donnait sur le cabinet du roi et sur un précipice. Fuir par le cabinet d'Agistravos était absurde. Il eût fallu ensuite traverser le camp des voleurs et la deuxième ligne de défense, gardée par les chiens. Restait le précipice. En me penchant sur l'abîme, je reconnus que le rocher, presque perpendiculaire, offrait assez d'infractuosité, de touffes d'herbe, de petits arbustes et d'accidents de toute espèce, pour qu'on pût descendre sans se briser. Ce qui rendait la fuite dangereuse de ce côté, c'était la cascade. Le ruisseau qui sortait de notre chambre formait sur le flanc de la montagne une nappe horriblement glissante. D'ailleurs, il était malaisé de garder son sang-froid et de descendre en équilibre avec une pareille douche sur la tête. Mais n'y avait-il aucun moyen de détourner le torrent? Peut-être. En examinant de plus près l'appartement où l'on nous avait logés, je reconnus à n'en pas douter que les eaux y avaient séjourné avant nous. Notre chambre n'était qu'un étang desséché. Je soulevai un coin du tapis qui croissait sous nos pieds, et je découvris un sédiment épais déposé par l'eau de la fontaine. Un jour, soit que les tremblements de terre si fréquents dans ces montagnes eussent rompu la digue en un endroit, soit qu'une veine de rocher plus molle que les autres eût donné passage au courant, toute la masse liquide s'était jetée hors de son lit. Un canal de 10 pieds de long sur 3 de large la conduisait jusqu'au revers de la montagne. Pour fermer cette écluse ouverte depuis des années et emprisonner les eaux dans leur premier réservoir, il ne fallait pas 2 heures de travail. 1 heure au plus suffisait pour donner au rocher humide le temps de s'égoutter. La brise de la nuit aurait bientôt séché la route. Notre fuite ainsi préparée n'eût pas demandé plus de 25 minutes. Une fois parvenus au pied de la montagne, nous avions Athènes devant nous. Les étoiles nous servaient de guide. Les chemins étaient détestables, mais nous ne courions pas risque d'y rencontrer un brigand. Lorsque le roi viendrait au matin nous faire sa visite pour savoir comment nous avions passé la nuit, il verrait que nous l'avions passé à courir, et comme on s'instruit à tout âge, il apprendrait à ses dépens qu'il ne faut compter que sur soi-même, et qu'une cascade s'entend mal à garder les prisonniers. Ce projet me parut si merveilleux que j'en fis part sur l'heure à celle qui me l'avait inspiré. Marianne et Madame Simon m'écoutèrent d'abord comme les conspirateurs prudents écoutent un agent provocateur. Cependant, la jeune Anglaise mesura sans trembler la profondeur du ravin. « On pourrait descendre, dit-elle, non pas seule, mais avec l'aide d'un bras solide. Êtes-vous fort, monsieur ?» Je répondis sans savoir pourquoi. « Je le serais si vous aviez confiance en moi. » Ces paroles auxquelles je n'attachais aucun sens particulier renfermaient sans doute quelques sottises, car elle rougit en détournant la tête. « Monsieur, reprit-elle, il se peut que nous vous ayons mal jugé. Le malheur est gris. Je croirais volontiers que vous êtes un brave jeune homme. » Elle aurait trouvé quelque chose de plus aimable à dire, mais elle me glissa ce demi-compliment avec une voix si douce et un regard si pénétrant que j'en fus ému jusqu'au fond de l'âme. Tant il est vrai, monsieur, que l'air fait passer la chanson. Elle me tendit sa main charmante, et j'allongeai déjà mes 5 doigts pour la prendre. Mais elle se ravisa tout à coup et dit en se frappant le front, « Où trouverez-vous des matériaux pour une digue ? Sous nos pieds, le gazon ? L'eau finira par l'emporter. Pas avant 2 heures. Après nous, le déluge. Bien, dit-elle. Cette fois, elle me livra sa main, et je l'approchai de mes lèvres. Mais cette main capricieuse se retira brusquement. Nous sommes gardés nuit et jour, y avez-vous pensé? Je n'y avais pas songé un instant, mais j'étais trop avancé pour reculer devant les obstacles. Je répondis avec une résolution qui m'étonna de moi-même. « Le corfiote, je m'en charge. Je l'attacherai au pied d'un arbre. Il criera. Je le tuerai. Et des armes. J'en volerai. » Voler, tuer, tout cela me semblait naturel, depuis que j'avais failli lui baiser la main. Jugez, monsieur, de quoi je serais capable si jamais je tombais amoureux. Madame Simon me prêtait ses oreilles avec une certaine bienveillance, et je crus remarquer qu'elle m'approuvait du regard et du geste. « Cher monsieur, me dit-elle, votre deuxième idée vaut mieux que la première. Oui, infiniment mieux. Je n'aurais jamais pu condescendre à payer une rançon, même avec la certitude de la recouvrer ensuite. Redites-moi donc, s'il vous plaît, ce que vous comptez faire pour nous sauver. » « Je réponds de tout, madame. Je me procure un poignard aujourd'hui même. Cette nuit, nos brigands se coucheront de bonne heure. Ils auront le sommeil dur. Je me lève à 10 heures, je garrotte notre gardien, je le bâillonne, et au besoin je le tue. Ce n'est pas un assassinat, c'est une exécution. Il a mérité 20 morts pour une. À 10h30, j'arrache 50 pieds carrés de gazon. Vous le portez au bord du ruisseau, je construis la digue. Total 1h30. Il sera minuit. Nous travaillerons à consolider l'ouvrage, tandis que le vent essuiera notre chemin. 1 heure sonne, je prends mademoiselle sur mon bras gauche, nous glissons ensemble jusqu'à cette crevasse, nous nous retenons à ces 2 touffes d'herbe, nous gagnons ce figuier sauvage, nous nous reposons contre ce chêne vert, nous rampons le long de cette saillie jusqu'au groupe de rochers rouges, nous sautons dans le ravin, et nous sommes libres. Bien, et moi ? Ce moi tomba sur mon enthousiasme comme un seau d'eau glacée. On ne s'avise pas de tout, et j'avais oublié le sauvetage de madame Simon. De retourner la prendre, il n'y fallait pas songer. L'ascension était impossible sans échelle. La bonne dame s'aperçut de ma confusion. Elle me dit avec plus de pitié que de dépit. « Mon pauvre monsieur, vous voyez que les projets romanesques pêchent toujours par quelque endroit. Permettez-moi de m'en tenir à ma première idée et d'attendre la gendarmerie. Je suis anglaise et je me suis fait une vieille habitude de placer ma confiance dans la loi. D'ailleurs, je connais des gendarmes d'Athènes. Je les ai vus parader sur la place du palais. Ils sont beaux hommes et assez propres pour des Grecs. Ils ont de longues moustaches et des fusils à piston. Ce sont eux, ne vous en déplaise, qui nous tireront d'ici. » Le corfiote survint à propos pour me dispenser de répondre. Il amenait la femme de chambre de ces dames. C'était une Albanaise assez belle, malgré son nez camard. 2 brigands qui rôdaient dans la montagne l'avaient prise tout endimanchée entre sa mère et son fiancé. Elle poussait des cris à fendre le marbre. Mais on la consola bientôt en lui promettant de la relâcher sous 15 jours et de la payer. Elle prit son parti en brave et se réjouit presque d'un malheur qui devait grossir sa dot. Heureux pays où les blessures du cœur se guérissent avec des pièces de 5 francs. Cette servante philosophe ne fut pas d'un grand secours à madame Simon. De tous les travaux de son sexe, elle ne connaissait que le labourage. Quant à moi, elle me rendit la vie insupportable par l'habitude qu'elle avait de grignoter une gousse d'ail par friandise et par coquetterie, comme les dames de Hambourg s'amusent à croquer des bonbons. La journée s'acheva sans autre accident. Le lendemain nous parut à tous d'une longueur intolérable. Le corfiote ne nous quittait pas d'une semelle. Marie-Anne et sa mère cherchaient les gendarmes à l'horizon et ne voyaient rien venir. Moi qui suis accoutumé à une vie active, je me rongeais dans l'oisiveté. J'aurais pu courir dans la montagne et herboriser sous bonne garde, mais un certain je ne sais quoi me retenait auprès de ces dames. Pendant la nuit, je dormais mal. Mon projet d'évasion me trottait obstinément par la tête. J'avais remarqué la place où le corfiote logeait son poignard avant de se coucher. Mais j'aurais cru commettre une trahison en me sauvant sans Marie-Anne. Le samedi matin, entre 5 et 6 heures, un bruit inusité m'attira vers le cabinet du roi. Ma toilette fut bientôt faite. Je me mettais au lit tout habillé. Agistravos, debout au milieu de sa troupe, présidait un conseil tumultueux. Tous les brigands étaient sur le pied de guerre, armés jusqu'aux dents. 10 ou 12 coffres que je n'avais jamais aperçus reposaient sur des brancards. Je devinais qu'ils contenaient les bagages et que nos maîtres se préparaient à lever le camp. Le corfiote, Vasile et Sophoclis délibéraient à tue-tête et parlaient tous à la fois. On entendait aboyer au loin les sentinelles avancer. Une estafette en guenille accourut vers le roi en criant « Les gendarmes !»